suis dit. Avoir de drôles d'envies, des fois, c'est une loi. Elle va pour prier Saint-Éloi, c'est comme ça qu'elle veut obtenir sa foi. Mais pour elle, c'est la toute première fois. Marie s'ennuie sous le pont de la rivière. Une envie de tuquer de soi pour sa foi. C'est une loi tous les mois de prier sa loi tous les mois d'habiter sous mon toit. Elle se dit amoureuse pulpeuse envieuse de tuquer de toi. Une envie de tuquer de soi pour sa foi. C'est une loi tous les mois de prier sa loi tous les mois. Marie s'ennuie sous le pont de la rivière.